بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 27 بعد 100، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي، والحديث ضعيف، والراجح إرساله كما قال الشيخ ابن حزام. Donc dans le 127e hadith, selon Abu Saïd al-Khudri, radhiyallahu anhu, qu'il a dit que deux hommes sont partis en voyage, que le temps de la salat est arrivé, l'heure est arrivée, et qu'ils n'avaient pas d'eau avec eux. Donc ils ont fait tayammum avec de la terre pure. Ensuite, ils ont fait la salat. Puis, par la suite, ils ont trouvé l'eau. Et le temps demeurait pour la salat. Le temps n'était pas fini, la salat. Donc, l'un d'entre eux a refait la salat et l'eau. Et l'autre s'est contenté de sa première salat. N'a rien fait. Ensuite, ils se sont rendus auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont apporté cela. Et il a dit à celui qui n'a pas recommencé la salat: tu as eu la sunna et ta salat, t'es valide, te suffit. Et il a dit à l'autre: toi, tu la récompenses deux fois. Et le hadith a été apporté par Abu Daoud Nasa'i. Et ce qui est authentique, c'est qu'il est faible, il est mursel. Donc là, la masala, c'est: est-ce que tu recommences la salat ou pas, si le temps demeure et que tu as fait le tayammum. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. مسألة: إذا تيمم الرجل وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت. Donc si l'un d'entre eux, si un homme a fait le tayammum, puis qu'il a fait la salat, puis il trouve l'eau après que le temps soit fini. Première masalat, attention, quand le temps est terminé. Il cite une parole de Nukudama dans le Mourni, qu'il dit que celui qui n'a pas d'eau, qui est en voyage, مثلاً, qui a fait le tayammum et puis qui a trouvé l'eau après que le temps de la salat soit fini, il y a Ijmar qui n'a pas à refaire la salat. D'accord ? Il y a Ijmar qui n'a pas à refaire la salat. Taïeb. Après, il dit, deuxième mas'ala. Donc celui qui a fait le tayammum, qui a fait la salat, et le temps s'est terminé, par exemple, il a fait le asr, et le maghreb, il est rentré, et il a trouvé l'eau après le maghreb, ou à l'heure du maghreb, il n'a pas à refaire la salat avec Ijmar. C'est unanime. Deuxième mas'ala, c'est presque la même. إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت. Donc là, il a fait tayammum, il a fait la salat et il a trouvé l'eau avant la fin du temps. مثلاً صلى الظهر, il a fait salat du dhor avec tayammum, juste avant l'asr, il a trouvé de l'eau. D'accord ? Donc toujours Ibn Qudama dans le Mughni qui dit que s'il trouve l'eau et que le temps perdure, qu'il ne lui est pas obligatoire de recommencer la salat. Et cela, qu'il est désespéré de trouver de l'eau ou pas, ou qu'il pense qu'il va trouver de l'eau. D'accord ? C'est pareil. Et ici, il y a des savants qui ont dit cette parole-là, dont Ibrahim al-Nakhai, ou al-Sha'abi, ou al-Thawri, et Malik, et Shafi'i, et d'autres. Mais il y a là, il n'y a pas Ijma. Certains, dont Ibn Sirin et d'autres, voient qu'il refait la salat. Donc là, il y a un khilaf. Et au final, Cheikh Ibn Hizam, il dit qu'il n'a pas à la recommencer. Et ce... Et cet avis est basé sur le hadith d'Abi Saïd qu'on vient de prendre là, bien qu'il soit faible. Ceux qui ont dit qu'ils ne refait pas la salat, leur preuve c'est ce hadith d'Abu Saïd. Et Ibn Qudama, il a porté une parole de Ahmed qui approuve ce qu'on a, cette parole-là. C'est quoi sa preuve Ahmed? C'est qu'il a été rapporté authentiquement d'Ibn Omar qu'il ait fait tayammum. Alors que les maisons de Médina étaient encore visibles. Il a fait la salat du Asr. Ensuite, il est rentré dans Médina. C'était en voyage, il arrivait. Il avait fait tayammum déjà auparavant. Amen. Le bruit de Médina se voyait au loin. Il était proche. Le Asr, il l'a fait. Il est arrivé dans Médina. Et le temps était toujours là, l'Asr. Il n'a pas commencé la salat. Pourquoi? Car il a accompli son obligation comme cela lui était ordonné. Donc celui qui a fait cela n'a pas recommencé. Puis Nawawi a rapporté selon Al-Awza'i que cela est recommandé de la recommencer la salat. Mais qu'il n'y a pas de dalil sur le stirbab. Qu'il dit que c'est recommandé, il n'y a pas de dalil. Et on dit même qu'il n'est pas permis de la recommencer. Pourquoi? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tussallu salaten fi yawmin marratayn » Akhraju Abu Daoud min hadithi Abdullah ibn Omar. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas la salat en un seul jour deux fois. » C'est-à-dire deux fois la même salat. Par exemple, tu fais deux fois dhuhr. Non. Donc là, attention, Mas'ala, par rapport à ce qu'il faisait Mu'az ibn Jabal, qui faisait le Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il rentrait là où il habitait, il faisait imam pour les gens. Lui, quand il faisait ça, il faisait une salat nafila. Le Isha l'avait déjà fait. La deuxième salat qu'il faisait, c'est nafila. Donc attention de ne pas confondre. Quand quelqu'un refait la salat après, alors qu'il l'a déjà faite, il met une intention de salat surrogatoire. Je ne fais pas deux fois Dhor, deux fois l'Asr, deux fois le Maghreb, deux fois l'Isha, deux fois le Fajr. Non. Il fait une fois la Wajiba. Et si par exemple il se trouve à refaire la Salat, Mathalan, il était dans un masjid. Il a fait Salat l'Asr. Après, il devait aller dans un autre masjid. Il avait une chose à faire. Il se rend dans cet autre masjid. Et les gens font Salat. Quand même, il ne reste pas à attendre. Il y a un hadith qui est venu pour le Prophète sallam, a vu deux hommes rester assis dans leur coin sans faire Salat. Et il leur dit Mama akuman tu solliya ma'ana qala kas salayna fi diyanina. Il dit idha ra'aytum al-qawm yusallun fa sallu ma'hum wa ja'aluha subha. Donc il a dit, il avait deux hommes qui ne faisaient pas la salat en groupe avec eux. Il leur a dit, que vous êtes-ils empêchés de faire la salat? Ils ont dit, on l'a déjà fait chez nous. Il a dit, si vous rentrez, vous voyez un groupe pour faire la salat masjid, faites salat avec eux, mais faites-en une surrogatoire et tu suis l'imam. C'est à dire s'ils font vor, tu fais quatre. Même si, par exemple, tu rentres dans la deuxième rakat, et que l'imam il fait le taslim, il a fini, ils ont déjà fait les quatre, toi tu te relèves et tu refais deux. Pourquoi? L'imam n'a été mis que pour être suivi, pour compléter avec lui. Donc tu ne te contentes pas d'avoir fait que deux, et tu fais le taslim avec l'imam. Non. Tu fais comme si tu faisais une quatre. L'imam, ils ont fini, toi tu es arrivé à fond, à la troisième rakat, c'est pas la deuxième, troisième rakat. D'accord? Par exemple, tu en as fait deux avec eux. Eux, ils en ont déjà deux d'avance sur toi. Donc il fait le taslim, le tashahoud. Toi tu fais le tashahoud avec lui, quand tu fais le taslim, toi tu te relèves et tu refais deux rakat pour en faire quatre. Car ils en ont fait quatre. Fahimt? Naam. Là c'est notre masala, non, le masala. Donc la salat, tu n'as pas à la refaire deux fois. Donc tu n'as pas à la refaire. S'il l'a fait, il n'a pas à la refaire. À la cause de sahih. Après il dit, masalatun. Donc, qu'est-ce qu'il y a à choisir? De retarder le tayammum ou de l'avancer? De le faire tôt ou de le retarder? Donc, il y a quatre paroles sur la mas'ala. première parole qu'il est préférable de le retarder en toute situation. D'accord ? Tu le retardes. En toute situation. C'est le call de Al-Hassan, Ibn Sirin, et Zuhri, et Ahmed, wa Thawri, wa Abu Hanifa. Deuxième call, qu'il est recommandé de la retarder s'il pense, il a l'espoir de trouver l'eau. S'il a l'espoir de trouver de l'eau. Et si jamais ce n'est pas le cas, il sait qu'il ne trouvera pas d'eau, alors il lui a recommandé d'avancer. Ça, c'est le mazhab de Malik et d'autres. Troisième call, qu'il est préférable de l'avancer. À part si il pense ou il est sûr qu'il va trouver de l'eau dans le temps. D'accord ? Il sait qu'il va arriver quelque part. La loi va arriver, mais ce lieu est un peu loin. Il arrivera vers la fin du temps. Donc on dit que lui, s'il sait qu'il... Cet avis-là dit que s'il sait qu'il va trouver l'eau en retardant, à la base, il avance, le tayammum. Mais s'il sait que là où il arrive, il y aura de l'eau, et ça implique qu'il le retarde, alors qu'il retarde. Ça, c'est le troisième call. Quatrième call, le fait d'avancer le tayammum dans l'absolu. Dans tous les cas de figure. C'est le call de Zahiriyyah d'Ibn Hazm. C'est par exemple sur la preuve de la parole d'Allah. Sali'u ila maghfiratin mi rabbikum. Wa qawluhu ta'ala fastabikul khayrat. Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. La parole d'Allah dans le sens où il dit. Et concurrencez-vous dans le bien. Et également, c'est quoi leur preuve? Ce que Ibn Omar il a fait. Il fait tayammum. Il a vu le bout d'El Medina, les maisons d'El Medina qui étaient apparentes. Il était encore dans le temps, il n'a pas attendu. Il a fait salat. Également, il fut rapporté dans le Sahihain, Anan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, An Abi Juhaym, Qala Akbala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min Nahwi Bir Jamal. Falaqiyahu Rajulun fasallama alayhi, falam yarudda alayhi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hatta Akbala ala Jidar. فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. Que un homme a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a passé le salam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu tant qu'il n'a pas trouvé un mur sur lequel il s'est essuyé, il s'est frotté. Puis il a essuyé son visage et ses mains. Et là, il fait un monde. Et après, il a passé le salam. Tamam ? Tayyib. Donc ça, c'est l'avis choisi par Sheikh Ibn Hazm, le quatrième. Que tu avances. Et il appuyait son kalam par une parole de Shoukani qui dit que lorsque l'heure de la salat vient, d'accord, il n'y a pas de spécification que ce soit pour le tayammum ou l'eau d'eau. C'est pareil. D'accord, c'est pareil. Donc la salat, si son temps y rentre ou quoi, tu l'as fait. Et que la salat, après, il citait une parole d'Ibn Hazm également dans le Muhalla. Par rapport, lui, il fait un commentaire à ceux qui disent qu'on retarde la salat par espoir de trouver de l'eau. Il dit cela n'a pas de sens et n'a aucun dalil à l'appui. Ni ijma'. Pourquoi ? Il n'y a rien, aucune preuve qui dit que celui qui a l'eau d'eau, son œuvre est meilleure que celui qui a le tayammum. D'accord ? Il n'y a pas de différence. On n'a pas de test qui dit que celui qui a l'eau d'eau est meilleur que celui qui fait tayammum dans leur ibada. Il n'y a rien qui dit que la salade avec l'eau d'eau est meilleure que celle avec le tayammum. Il n'y a pas de différence. Quelle est plus complète ? Quelle est plus parfaite ? Il n'y a pas de texte là-dessus qui dit ça. Car le tayammum, c'est une purification complète. D'accord ? Comme on l'a vu au début, tu te rappelles ? Ça, c'est l'avis de ceux qui voient que c'est le tayammum, ce n'est pas un moubih, une chose qui rend permis un secours, mais c'est une purification complète, jusqu'à s'arrêter quand l'eau est trouvée. C'est tout. Mais sinon, à la base, le tayammum, c'est comme celui qu'a l'eau d'eau. Vous êtes pareil tous les deux. même ton janaba, tu as fait tayammum, tu es comme celui qui a fait le ghusl. Vous êtes pareil tous les deux. Donc il dit, il n'y a pas de différence. Et on n'a aucun test qui dit que lui, c'est plus complet, lui, c'est meilleur. Donc il dit, si la salat, elle vient, par exemple, et qu'il n'a pas d'eau, le houleur de la salat, il sait qu'il trouvera de l'eau peut-être plus tard ou quoi, il fait tayammum, il fait sa salat. On jamais rien avec les gens. La salat. Et c'est quoi l'une des meilleures œuvres? Comme a dit Ibn Mas'ud, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ما هي الأعمال الأحب إلى الله؟ فقال أولا الصلاة في وقتها. المسعود الانتواجي صلى الله عليه وسلم il lui a dit quelle est l'œuvre préférée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit la salat en son temps. Après il a dit bir al-walidain, et après il a dit jihad fi sabilillah. Hein? Alors toi, deuxième position, il a mis l'obéissance aux parents, et troisième le jihad. Le hadith est muttafaqun alayh. Par contre, Shir, il dit en finissant, par contre, si jamais la salat, c'est une salat qu'il est préférable de retarder, comme le Isha par exemple, alors le meilleur c'est qu'il retarde le tayammum. Ou, par exemple, salat de Vor lorsqu'il fait très chaud, pareil. Ou alors la salat, le Moussafir voyageur lorsqu'il joint sur les salat. Les meilleurs qui retardent, par exemple, qui fait, au lieu qu'il fasse le Vor et l'Asr, entre le temps du Zohar et l'Asr, il fait les deux, entre le Asr et le Maghreb. C'est le meilleur qui retarde. Donc à ce moment-là, il retarde. Là, ça suit la salat, en fait. Mais là-bas, c'est le Taqdim qui fait prédominer le Tayammum. Il n'attend pas de trouver de l'eau. Donc le Khurasa, c'est que si jamais tu as fait salat avec Tayammum, et qu'après tu trouves de l'eau et que le temps il est encore là, il est encore bon, tu n'as pas à refaire la salat. La salat, tu l'as faite. Et que on a profité également que tu fais comme d'habitude avec tayammum. S'il n'y a pas d'eau, même si tu auras l'eau plus tard, et c'est la salat, tayammum, tu fais tayammum et tu la salat. Et celui qui a l'eau d'eau n'a pas une purification meilleure que la tienne. À ce moment-là, vous êtes pareils tous les deux. Tayyib. ثم قال في الحديث الثامن والعشرين بعد المئة وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم الحديث يعني بل الأثار موقوف هذا كلام ابن عباس dans le 128e hadith qui est un Athar d'Ibn Abbas qu'il dit dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit, et si jamais vous êtes malade ou en voyage, alors il dit, en commentant ce verset, que si l'homme, par exemple, a été blessé, fisabilillah, il a une blessure grave, et qu'après il tombe en janaba, d'accord, et qu'il craint de mourir si jamais il se lave, alors il fait tayammum. Et ça a été rapporté par Ad-Dar al-Qutni, Mawquf, c'est-à-dire, ça revient que Ibn Abbas. Et d'autres ont remonté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais cet avis n'est pas correct. Tayyib. Ad-Dar al-Qutni. Tu rappelles la faïda, c'est Mendou. Ad-Dar al-Qutni, ça vient de quel mot? En fait, c'est un quartier qui s'appelle Dar al-Qutn. Ou Dar al-Qutn. Ce serait comme on pourrait dire la maison du coton. Sans traduire mot à mot, mais ça, voilà quoi. Et c'est où ça? La Bagdad. Bagdad. Non. Mais c'est en Irak. Taïb. المسائل والأحكام والمستفادة من الحديث مسألة إذا خاف المريض أو الجريح على نفسه من استعمال الماء وكذي مسألة si jamais le malade ou le blessé a peur pour lui-même d'utiliser de l'eau, d'accord, il craint d'utiliser de l'eau. Istanbul parle de Mukaddama dans le Mughni qui dit que le blessé ou le malade s'ils ont peur pour la personne en utilisant de l'eau, il leur a permis de faire tayammum. Ça, c'est la parole de la plupart des savants. Parmi eux, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima et d'autres. Qu'est-ce que c'est ? Et d'autres, ils ont dit non, la boude mais rousli. La boude mais rousli. Certains, ils ont dit c'est obligatoire qu'il fasse le rousli. En prenant le côté apparent du verset. Et Cheikh Ibn Hizam, il voit que la parole authentique, c'est celle de Nukudama. La parole de l'ensemble des savants, la plupart des savants. En se basant sur la parole d'Allah, voilà taqutulu anfusakum. Et ne vous tuez pas vous-même. Waqulu ta'ala, yuridullahu bikum al-yusr, wala yuridu bikum al-usr. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Waqulu ta'ala, wa ma ja'ala alaykum fid-din min haraj. Il n'a mis aucune gêne pour vous en religion. Waqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la darara wa la dirara. Pas de nuisance à soi-même ni à autrui. Et également, ce affaire d'Ibn Abbas est authentique, il n'a été contredit par aucun des Sahaba. Et que la religion c'était ici, à la facilité. Et également, un autre hadith était venu, je ne me rappelle plus c'est qui l'a, le Sahabi, qu'un homme avait été blessé et qu'il a demandé à des Sahaba est-ce qu'il devait faire le rousse ou pas. Ils l'ont dit, fait le, il a été blessé à la tête. Il a fait le rousse, il en est mort. Le Nabi Sallam, quand il est, Qataluhu. Quand Allahumullah, il a dit, ils l'ont tué, qu'elle allait tuer. Mais dans le sens du blâme, pas dans le tarkiq. Il a dit, walou lam yas'alou, pourquoi n'ont-ils pas interrogé? Et que la, le remède de l'ignorance, c'est la question. Le hadith est authentique, je ne me rappelle plus de du sahabi qui l'a rapporté, ni de man akhraja. Non. Donc il avait fait le rousse, il en est mort. Le Nabi Sallam les a blâmés pour ça. Pourquoi n'ont-ils pas interrogé? Il dit Mas'ala, Zabit el-Khawf el-Mubih li-Tayammum. Donc quelles sont les normes de la peur qui rendent permise, qui rendent permis le Tayammum? Car ce n'est pas toute crainte que tu as qui te permet de faire Tayammum. Donc il y a trois paroles que Ibn Qudama a rapportées. La première, qu'il ait peur de représailles sur lui-même. D'accord. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a dit. Il a dit Telef. Telef, c'est détérioration ou. Parce que le Qawl Thani, c'est plus Wadih. Là, il dit Khawf at-Telef. Telef, c'est détérioration, le fait d'abîmer, tout ça. Je ne sais pas si c'est lié au matériel de la personne. Parce que le Qawl Thani, lui, il dit Qawl Thani, on veut le dire maintenant, que si, qui, par exemple, qui craignent que la maladie ne s'amplifie ou que la guérison ne se retarde. S'il fait l'eau d'eau, il utilise de l'eau. D'accord. Ou également qu'il endure une douleur qu'il ne peut plus supporter. Par exemple, il a une douleur, une blessure, s'il met de l'eau dessus, ça lui fait très très mal. Donc ça, c'est le madhhab, l'apparent du madhhab de Ahmed. Parce que l'autre, premier avis, c'est une parole de Ahmed. Et également, c'est l'avis de Shafi'i, dans son deuxième call, et une parole d'Abu Hanifa. Et troisième avis, qu'il est permis aux malades de faire le tayammum dans l'absolu. Ça, c'est le calème de Daoud et Zahiri. Et se fait rapporter de Malik. Et Shir dit que la parole, la vie le plus sûre, c'est le deuxième. Naam. Que s'il craint que, par exemple, il est malade, s'il fait le wudu, sa maladie s'amplifie. Ou alors qu'il est en voie de guérison, et la guérison prenne du temps. Et ainsi de suite. Ou qu'il ait une douleur, il est mal quelque part, une blessure, et que l'eau lui fasse très très mal. On ne parle pas d'un petit bobo là, ou toi. Pas une vraie blessure. D'accord. Parce qu'il y a des douleurs, on peut le supporter quand même. Et également, Ibn Qudama, c'est l'avis qu'il a choisi, le deuxième. Et il dit par contre que le troisième avis, que le malade peut faire le tayammum dans l'absolu, il a dit que ses paroles n'est pas correctes. Pourquoi? Parce que des maladies, elles ne sont pas liées à l'eau. L'eau, elle est présente, par exemple, je ne sais pas, moi, t'as mal au ventre. Il n'y a pas de lien avec l'eau. Tayammum ou wudu, ça ne va rien changer pour toi. Mathalan. T'as des maladies comme ça, elles n'ont rien à voir avec l'eau. Bien que c'est un avis que certains savants ils ont évoqué en prenant l'apparent diversé, mais en réalité, le tayammum il est là pourquoi? Pour un besoin. D'accord? Si tu es malade, une maladie qui, dont l'eau puisse te nuire, ou alors tu ne trouves pas d'eau. Et on l'a dit, c'est qui ne trouve pas d'eau? Même si l'eau est devant lui, il ne peut pas l'atteindre, pour des raisons qu'on a citées. Sinon, toi, qui as une maladie qui n'est pas liée à l'eau, et l'eau ne te nuit en rien, tu fais l'eau normalement. C'est l'avis le plus correct. Mafoumal Mas'ala. Donc là, on a vu ça, que celui qui craint pour lui une maladie ou qui est blessé, qui craint que l'eau ne lui nuise, d'accord, il fait tayammum. Les adoratifs au canal Allah. La personne qui craint Allah. C'est-à-dire vraiment, c'est pas genre elle est parano ou genre il a froid un peu le matin, il dit allez, je fais un môme. Non, c'est que tu crains vraiment quelque chose. Si tu te connais, t'as déjà ton malade facilement. Marlouf. Si tu te connais, c'est que ça lui nuit, tu es un môme. D'accord ? Mais si c'est juste une crainte comme ça, à la base, il n'y a pas d'origine. Les salaw asl, et tawakkal, et tawadda. Justement, le wudu, comme a collé Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aura fait de le wudu à l'al-makari. Parmi les choses qui élèvent en degré, le fait de faire le wudu, au moment du testam, c'est-à-dire l'eau froide, au réveil. Tant que tu sais, ça ne va pas te nuire, bien sûr. Maintenant, demain, tu sais que tu vas tomber malade, tu es quelqu'un de fragile ou quoi, t'aimes, ma fiché. Même si tu t'aimes le matin pour le vingère parce qu'il fait froid, et aux heures, ma fiché, le soleil, tu fais le wudu, ma fiché. Mais tu sais que ça peut te nuire. D'accord ? Tu as déjà testé auparavant, tu vois qu'à chaque fois tu tombes malade. À chaque fois tu tombes malade. Mathalan. Azam. Mafoum. Taïeb. Faïla huna, walhamdulillahi rabbil alamin.